c'est pas beau alors. Vas-y, on part sur le refrain. Vas-y. Par le break et on part sur le refrain. 3, 4. Ouais. Je pense que c'est plus en fait.